Si jamais arrive là, mes parents m'ont enlevé 30 paquets d'admettre. Ouais, les admettre. Carimocho! Carimocho! Allez! Thank you.

On vérifie quand même. Peut-être si vous parlez anglais, ce sera compréhensible. Um, dois, três e hoje eu vou te cantar uma cançãozinha que só fala do meu amor por você. Gostaria de falar o mundo inteiro, mas pensa que você já me entendeu. Do meu lado quero te pôr no chão, chão bem alto, beijar no colchão. Quero te comer, quero te comer, quero te comer. Ceux qui sont pas sur scène ce soir, et on pense pas fort à eux, même s'ils sont quand même dans les Arocs aujourd'hui, les pendentifs. Ah voilà, merci. Désolée maman et papa si je dis des gros mots, comme ça, ça fait plus in. On applaudit. Voilà, le problème technique. On applaudit le problème technique. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais bon. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a? Le CD? La fin du monde. Juste avant la fin du monde. Un jour avant. Voilà. Alors, on va se présenter. Blandine. Elle est sexy. C'est notre petite soeur, c'est la petite, mais elle est grande. Guillemette. Franchement. Elle est belle. Margot. Par contre, elle est trop moche, donc il n'y a pas la peine de la faire. Et Aïla qui galère avec sa voiture. Et Laurent qui aide Aïla et qui nous rend beaucoup de services et qui nous aide sur le groupe. Et on l'aime. Voilà. Merci Laurent. Je vais faire un endroit. Je propose une chanson qu'on peut tous chanter. On a tous été étudiants dans les tramways. Voilà. Donc. Alors, ceux qui connaissent, hein, n'hésitez pas à chanter avec moi. On fait une version un peu classique. Hein. Au bord de la rivière, Margot, on fait le derrière dans l'eau, dans l'eau. Je propose que quelqu'un monte faire une blague, parce que là j'en ai plus. La blague de la base dans la poche était trop forte pour faire une blague à fond. Non, ça marche pas. Ça enlève tout le charme. C'est dommage. C'est une très jolie chose. On va passer à la dernière du coup. Oh. Ah, pas semblant. On attend ici et qui là. Thank you. Thank you.